Je sais que j'ai essayé beaucoup de t'attendre ces derniers temps. Ce n'est pas que j'essaie de nous remettre ensemble. Je veux seulement que tu saches que je pense à toi et que tu m'aimes moi. Je veux seulement que tu saches que je pense à toi et que tu m'aimes.